remboursons plus que la différence. Bref, il n'y a que des avantages. Vos vacances au meilleur prix, chez Neckermann, c'est garanti. Il est 14h. Les infos. Présenté par Roland Brunel. Bonjour Roland. Bonjour. Le bassin sidérurgique liégeois est sous le choc. 1300 emplois sont menacés. Ce matin, à l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire, la direction d'ArcelorMittal a annoncé son intention de fermer une partie importante de la phase à froid d'ArcelorMittal. Sur 12 unités, 7 vont être fermées. Le géant sidérurgique invoque plusieurs raisons.